لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله cette soirée du mercredi 16 محرم 1435 de l'Hégire, correspondant au 20 novembre 2013, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, avec le 14e cours, inshallah ta'ala, sur le dogme du monothéisme. Le titre d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est les composantes de l'adoration authentique. Les composants, pas les composantes, les composants, non, c'est moi qui me suis trompé. Donc, les composantes de l'adoration authentique. Une seconde, inshallah ta'ala, je vais corriger. Une seconde. Donc je répète les composantes de l'adoration authentique. Comme vous avez dû lire sur le site qu'aujourd'hui, il y a un problème ici en Algérie, ou plutôt exactement là où j'habite, en ce qui concerne l'électricité. L'électricité, c'est quand je dis électricité, ça veut dire Internet, ça marche ensemble. El Moïm, donc, si vous me voyez quitter, hein, ça veut dire que il y a une coupure. Ensuite, Allahu alam, si je peux revenir ou je peux pas revenir. Donc, si je reviens pas après une demi-heure, ça veut dire que vous pouvez fermer le salon. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Heureusement que, alhamdoulilah, le cours d'aujourd'hui est très court. Parce que, pourquoi il est court? Parce qu'aujourd'hui, dans ce cours, inshallah ta'ala, on va terminer ce qui a rapport avec l'adoration. Pour rentrer, inshallah ta'ala, dans le prochain cours sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car je ne peux pas faire un cours, je peux pas faire un cours sur l'adoration, ensuite commencer un nouveau chapitre sur les noms et les attributs en même temps. C'est pour cela que je termine ce cours, inshallah ta'ala, le prochain cours c'est sur les noms et les attributs. Donc les composantes de l'adoration authentique. L'adoration, l'ibada, repose sur trois fondements. L'adoration, l'ibada, repose sur trois fondements. Comme une maison, par exemple, elle repose sur des piliers. Une mosquée repose sur des piliers, comme ça. L'adoration elle-même repose sur des fondements qui sont au nombre de trois, qui sont l'amour, l'hub, la crainte, l'khouf, et l'espérance, l'raja. Donc, les fondements sur lesquels repose l'adoration sont l'amour, l'hub, la crainte et l'espérance al-raja. L'amour, on entend par là, aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible qu'on adore quelqu'un qu'on n'aime pas. La crainte, le khouf, avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, son châtiment, son enfer. Si on n'a pas peur, on ne va pas l'adorer. Non, on n'a pas peur de lui. Et l'espérance al-raja. Si quelqu'un maintenant, si on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même en ayant peur de lui, et on n'espère rien de lui. On n'espère pas qu'il nous pardonne, et qu'il nous fasse rentrer au paradis, etc. Donc on ne va pas l'adorer comme il se doit, car on va se dire quoi? On va se dire que on n'a aucun intérêt. Comme ça on va dire, on n'a aucun intérêt à l'adorer, je n'espère rien de lui. Tayyib, l'amour avec l'humilité. La crainte avec l'espoir, il est indispensable que ces éléments soient regroupés dans l'adoration. Comme ça dit Cheikh Fawzan Hafidahullah, je répète, il a dit l'amour avec l'humilité, la crainte avec l'espoir, il est indispensable que ces éléments soient regroupés dans l'adoration. Allah Azzawajal, lorsqu'il décrit ses serviteurs croyants, Allah Azzawajal, lorsqu'il décrit ses serviteurs croyants, il dit d'eux, Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Al-Ma'idah 54. Il dit d'eux, il les aime et il l'aime. Donc voilà ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala de ses serviteurs. Qu'il les aime et que quoi? Et que eux aussi l'aiment. Mais comme a dit Al-Qayyim rahimahullah, dans ce verset exactement, il a dit, le problème ici, c'est pas d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une personne peut-être qui ne va pas prétendre qu'elle aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème, est-ce que lui, il t'aime? Naam. Dire que Allah subhanahu wa ta'ala, naam, même peut-être le plus pervers des croyants, il va dire moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime? Ça le problème. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime ou ne t'aime pas? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, والذين آمنوا أشد حبا لله. Il a dit aussi, والذين آمنوا أشد حبا لله. Al-Baqarah 165. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah Azza wa Jal. Les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il décrivit ses messagers et ses prophètes, parce que Allah Azza wa Jal a décrit ses messagers et ses prophètes, il a dit, فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء verset numéro 90. Il a dit, l'exauce lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Ensuite voilà le témoin du cours. Il concourait au bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Donc le témoin, il nous invoquait par amour et par crainte. Naam. Et l'invocation, c'est l'adoration, comme vous savez. Comme a dit le prophète Hassan, il a dit Dua huwa l'ibada. Il a dit l'invocation, Dua, c'est l'ibada, c'est l'adoration. Donc, dans l'adoration, il doit y avoir quoi? Amour et crainte. Et aussi espérance, bien sûr. Amour et crainte. Taïb. Cheikh Fawzan Hafidahullah dit, certains prédécesseurs salaf disaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, celui qui adore Allah Azza wa Jal uniquement avec l'amour est hérétique. C'est un zindiq. Et celui qui l'adore uniquement avec l'espérance, c'est un murji. Et celui qui adore Allah Azza wa Jal uniquement par la crainte, c'est un haruri. Et celui qui l'adore avec amour, avec crainte et avec espoir, c'est un croyant monothéiste. Naam. Je répète. Celui qui adore Allah Azza wa Jal seulement avec l'amour est hérétique. C'est un zindiq. Et celui qui adore Allah Ta'ala seulement avec l'espérance, c'est un murji. Et celui qui adore Allah Azza wa Jal seulement par la crainte, c'est un haruri. Et celui qui les adore, adore Allah Ta'ala avec les trois, c'est un monothéiste. Donc je répète, celui qui craint Allah, adore Allah subhanahu wa ta'ala, seulement en l'aimant. Il dit moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, naam, ça veut dire ni, yani, il l'espère, ni il le craint. Seulement avec l'amour. Celui-là c'est un zindiq. Zindiq ça veut dire en arabe, ou bon affaire, hypocrite. Ou bien quelqu'un qui est sorti carrément du dîn, qui n'a pas de dîn, comme les athées. Donc, il y a des gens qui disent, moi, ça me suffit que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la peine de l'adorer. Et encore moins d'avoir peur de lui. Mais je l'aime. Non, Allah, le Dieu est généreux, etc. Donc je l'aime. Celui-là, c'est un zindiq. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crainte, car s'il le craignait, il se serait soumis. Et il n'a pas d'espoir envers lui. Et celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement avec l'espérance. Uniquement avec l'espérance. Naam. C'est-à-dire, tu fais tous les péchés, il faut toujours espérer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fais tous les péchés du monde, insulte l'islam, insulte Dieu, il faut toujours avoir l'espoir en lui. C'est un murji. Et celui, qu'est-ce que ça veut dire mourdi? Mourdi, al-irja, ça vient de l'irja. Et maintenant, les takfiris disent de certains savants comme Cheikh al-Albani, rahimahullah, et d'autres, ils disent c'est un mourdi. Naam. C'est-à-dire, quand toi tu lui dis tu es takfiri, il te dit toi tu aussi tu es mourdi. Mourdi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour toi, disons le mourdi, c'est quelqu'un qui considère que ce qu'on fait comme œuvre, c'est-à-dire les œuvres, ne font pas partie de la foi. Il te dit, toi, tu es un mourdi, regarde, tu vois le gouverneur, comment il fait, il juge pas avec les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour toi, yani, c'est toujours un musulman. Donc, toi, tu es un mourdi. Naam. Et enfin, celui qui adore Allah Azzawajal uniquement par la crainte, c'est un haruri. Haruri, ça veut dire kharijite. On les appelle les haruri, les haruriyun. Pourquoi? Et les harurites. Pourquoi? Car quand ils ont combattu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala, ils étaient dans un endroit qui s'appelle Harura. Naam. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle les Haruri. Et les Harurites aussi. Ce sont les Kharijites. Donc c'est par affiliation à un endroit. Un endroit, naam, autrefois. Du côté de. En Irak, je pense. Naam. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a cité cela dans son ouvrage Al-Ubudiyya, la servitude. Il a dit également la religion d'Allah Azzawajal est son adoration, son obéissance et la soumission à lui. Il a dit l'adoration de l'ibada signifie à l'origine l'humilité, le dhul. On dit par exemple d'un chemin qu'il est mu'abbad, mu'abbad, ibada, qu'il est mu'abbad s'il est emprunté et que les pieds le foulent. Naam. Un chemin qui est déjà emprunté et que les pieds peuvent fouler, on dit de lui c'est un chemin mu'abbad. Naam. Donc ce chemin c'est soumis aux pieds. Naam. La même chose, l'ibada, la soumission. L'adoration qui est exigée, dit Cheikh Fawzan Hafidahullah, regroupe la notion d'humilité et d'amour. Elle comprend le summum de l'humilité envers Allah et le summum de l'amour pour lui. On ne peut dire de celui qui se soumet à un homme tout en le détestant qu'il l'adore. De même, s'il aime une chose mais ne s'y soumet pas, il ne peut pas être considéré comme l'adorant. C'est le cas par exemple de l'amour porté par l'homme envers son enfant ou son ami. On ne peut pas dire de lui qu'il l'adore. Naam. Parce qu'il l'aime, mais il ne se soumet pas à lui. C'est pour cela que l'amour, naam, c'est pour cela que l'amour seul ou l'humilité seule n'est pas suffisant dans l'adoration d'Allah Azzawajal. Mais il incombe qu'Allah Azzawajal soit plus aimé par ses serviteurs que tout autre, et qu'il, Allah Azzawajal, soit plus vénéré par eux que tout autre. Nul n'a le droit à l'amour et à la soumission absolue, si ce n'est Allah Azzawajal. Tels sont les constituants sur lesquels repose la servitude, l'ubudiyya. Tels sont les constitutions sur lesquelles repose la servitude. L'érudit Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son poème Nouniya, il a dit l'adoration du tout miséricordieux et son amour absolu. Avec l'humilité de l'adorateur, il constitue les deux pôles. C'est autour d'eux que gravite l'orbite de l'adoration. Et, il a dit, elle ne peut jusqu'à ce que les deux pôles soient en position. Leur axe est l'ordre. Lors du messager alayhi sallam et non les passions, l'âme ou le damné. Cheikh Hafidhahullah dit, il a comparé, c'est-à-dire Ibn al-Qayyim, qu'Allah ta'ala lui fasse la miséricorde, il a comparé la gravitation de l'adoration autour de l'amour lité envers le bien-aimé qui est Allah Azzawajal, il l'a comparé à celle de l'orbite autour de ses pôles. Il a insisté également sur le fait que la gravitation de l'orbite de l'adoration se fait autour de l'ordre de l'envoyé, alayhi salam, et de ce qu'il a légiféré, et non autour des passions et de ce que enjoignent l'âme et Satan. Car cela n'est pas considéré comme adoration. Ce que le messager alayhi salam a légiféré est l'axe autour duquel gravite l'adoration et non les innovations. Et non les innovations, les superstitions, les passions et l'imitation aveugle des ancêtres. Naam. Donc, je dis inshallah ta'ala, je résume ce qu'il veut dire ici à la fin, que en fait, il n'y a pas d'adoration sans yani, le suivi du messager alayhi salam. Notre adoration gravite naam, autour de yani, cette orbite. Pourquoi? Remarquez que personne n'est accepté de lui pour qu'il entre en islam s'il dit seulement Ashhadu an la ilaha illallah, sans dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. En disant Ashhadu an la ilaha illallah, c'est quoi? C'est la sincérité. Naam. Donc je veux que mes œuvres soient pour Allah subhanahu wa ta'ala. En disant Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est quoi? C'est yani, le suivi. C'est le suivi. Et aucune adoration ne peut être acceptée que s'il y a deux choses. S'il y a la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. J'atteste que Muhammad c'est son messager. C'est-à-dire que c'est lui que je vais suivre pour qu'il me montre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le sentier qu'il faut prendre? Naam. Quelles sont les choses qu'il faut faire? Quelles sont les choses qu'il faut éviter? Naam. Où est le halal? Où est le haram? Où est le conseiller? Où est le makruh? Naam. Et comme ça. Donc toute personne qui va dire moi je peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, sans avoir besoin de quiconque des hommes, ne serait-ce le prophète alayhi sallam, celui-là, non seulement yani devient kafir, mais quel grand châtiment l'attend yawm al-qiyamah, c'est un égaré, égareur, l'ayyadu billah. Naam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي. Une seconde, je cherche le verset, inshallah ta'ala, une seconde. فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي. إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي. Une seconde, فَتَّبِعُونِي. Naam, voilà le verset, inshallah ta'ala. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Plusieurs gens yani, ont dit que, ou l'ont attesté, ou l'ont prétendu qu'ils aimaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, quand les gens commencent à dire, tout le monde va dire j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve que vraiment tu l'aimes? Allah ta'ala, quand il a entendu ces gens-là prétendre et dire que on aimait Allah subhanahu wa ta'ala, il les a quoi? Il les a testés en faisant descendre ce verset, en leur montrant que si vraiment vous m'aimez, voilà ce que vous devez faire. Et je cite ici le verset en français. Une seconde, il ne veut pas s'afficher. Voilà. D'ici vraiment vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi alors. Suivez-moi, Allah vous aime alors. Et vous pardonnez vos péchés, Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, si vous aimez vraiment Allah, dis à Muhammad, dis-leur, si vous aimez vraiment Allah, et ce ne sont pas des prétentions, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera. C'est-à-dire que, si vous ne me suivez pas, ce que vous dites, Zama, que vous aimez Allah, c'est pas vrai, c'est des mensonges. C'est seulement des prétentions. Car si vous aimez vraiment Allah Ta'ala, alors suivez-moi. Naam. C'est pour cela que plus une personne aime Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu la vois qu'elle veut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vice versa, et plus elle suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus yani, cette personne aimera Allah subhanahu wa ta'ala. et que Allah subhanahu wa ta'ala aussi l'aimera et lui pardonnera ses péchés. Naam. Donc, le plus, yani, celui qui mérite de nous, et le plus yani, aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé et a rempli son cœur de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la, du fait d'être soucieux de vouloir le suivre alayhi wa sallam dans les grandes choses et les petites choses, dans les choses apparentes et dans les choses cachées. Naam. Plus tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus c'est une preuve que tu aimes Allah et plus Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, nous, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas à cause de lui, alayhi wa sallam, parce qu'il s'appelle Muhammad et qu'il est le fils de Abdullah et de Amina et qu'il est en Arabie Saoudite en telle année. Non. Sinon, ce serait un homme comme nous, c'est tout. Mais on l'aime parce qu'il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et choisi par lui. Voilà la grande différence. Non, on l'aime pas pour lui-même, mais on l'aime parce que Allah azza wa jalla a dit voilà, je vous ai choisi cet homme pour qu'il soit un intermédiaire entre moi et vous, pour vous montrer comment faire pour m'adorer et que pour que je vous fasse rentrer dans mon paradis. Non. Donc c'est très bien, par exemple, si une personne lisait un livre qui s'appelle Shama'il Muhammadiyya. Naam, de Tirmidhi. Shama'il Muhammadiyya. Al-Hakim Tirmidhi. C'est yani, mashallah, il est même authentifié par Cheikh Albani, rahimahullah, qu'il a fait des commentaires à l'intérieur, qui te dit tout ce qu'il y a sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disant sur, yani, son physique, comment qu'étaient ses cheveux, ses yeux, yani, sa barbe, comment qu'il s'habillait, qu'est-ce qu'il disait quand il s'asseyait, quand il marchait, et comme ça. Shama'il Muhammadiyya. Peut-être qu'un jour, inshallah ta'ala, on le fera. Sinon, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, qui s'appelle aussi le Huda, celui-là a vraiment cité, yani, tout ce qui se rapporte au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par détail. Par détail. En commençant par comment qu'il était, alayhi wa sallam, et même comment qu'il est né, etc., jusqu'à terminer par comment qu'il faisait yani, avec ses épouses, comment qu'il faisait quand il se mariait, comment qu'il faisait dans le jihad, qu'il allait dans les batailles, comme ça. Tout en détail, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, si jamais quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, le guide et l'aide, il peut traduire ce livre de saint homme, Allah ibarak, vraiment, un tome qui fait 300 ou 400 pages, c'est que vraiment qu'il aura fait quelque chose pour l'islam, subhanahu wa ta'ala. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. J'attends vos questions, inshallah ta'ala, dans 10 minutes ou un quart d'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a du son. Alhamdulillah. Donc, comme d'habitude, concernant les questions sur le cours, sur ce qu'a dit Cher aujourd'hui, Hafizahullah, on demande aux frères et sœurs de se rendre sur le salon bis. J'apprends l'islam sur la vraie voie bis. Vous levez la main et le frère Fawzi viendra donc récupérer les questions, Inch'Allah, Fawzi du 30. Donc, faites en sorte également que votre PV nous soit ouvert, donc pour Fawzi du 30 sur la room bis, et sur le salon du Cher, c'est moi qui viendrai donc récupérer les questions d'ordre général. Donc faites en sorte que votre PV me soit ouvert. Barakallahu fikoum. Et j'insiste bien, donc ne pas envoyer les questions hors sujet au frère Fawzi du 30, uniquement les questions sur le cours. Salam alaykoum wa rahmatullah. Est-ce que vous êtes prêts? Sinon, dites-moi dans à peu près vous serez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Fawzi, si tu n'as pas vu le salon, le cheikh a écrit. Donc, il a demandé si on commence. Donc, Inch'Allah, si tu as des questions sur le cours à m'envoyer, je les attends sur le PV, Inch'Allah. Donc, envoie-les-moi ou alors si tu préfères les lire, tfadalahi. Non, je n'ai rien reçu, Ari. Je n'ai reçu aucune question. J'ai dû éteindre le PC, peut-être que tu me l'as envoyé au moment où j'ai eu le problème avec le PC. Donc, question d'une sœur, chère. Cher qu'Allah Azzawajal vous préserve, vous avez traduit la crainte par al-khawf. J'ai toujours entendu que al-khawf était la peur et la crainte est taqwa. Rectifiez-moi, cher, si je me trompe. Trois d'achir. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatouh. En fait, pour la traduction en français, c'est très difficile. Vous savez que il y a beaucoup de mots en arabe qui n'ont pas leur vrai sens en français. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi l'arabe. Dans l'arabe, yani, peut-être en un mot, on peut dire des phrases. On peut dire des phrases en un mot. Alors que ça n'existe pas, par exemple, dans d'autres langues. Et il y a des mots en arabe que jusqu'à présent j'ai pas encore trouvé leur sens, yani comment qu'on les dit en français. Bon, il y a le sens mais il n'y a pas le mot en français. Dans d'autres langues c'est la même chose. Donc le khawf c'est la peur, l'âme, et c'est en même temps la crainte. C'est en même temps la crainte, sauf qu'en arabe la crainte c'est le khashia, c'est le khashia, mais en français il n'y a pas. C'est ça le mouchkila. En français, il n'y a pas. En français, il y a seulement, tu dis la peur, et c'est pour les deux. Quand tu as dit que c'était taqwa, la crainte, ce que je sais, c'est que la crainte, c'est que taqwa, c'est la piété. C'est la piété. Voilà ce que je sais. Mais certains, j'ai lu aussi dans certains livres, qu'ils l'appellent aussi la crainte, comme dit ici la sœur. C'est pour cela que le meilleur de nous, c'est celui qui connaît l'arabe. Plus tu connais l'arabe, plus tu es sûr que les mots que tu lis, que tu as lus en arabe, que tu es sûr ce que veut dire Allah Ta'ala et ce que veut dire son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand c'est traduit en français, ça dépend, yani le traducteur, yani pour lui, que veut dire ce mot et quel est son sens. C'est pour ça que ça diffère d'un livre à un autre. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfadl. Une question suivante. Le cheikh peut-il répéter les exemples sur l'espérance, l'amour et la crainte? Trois de cheikh. Afouane, j'ai pas entendu la question, j'ai entendu seulement la fin. Tfadl. Alors, le cheikh peut-il répéter les exemples sur l'espérance, l'amour et la crainte? Trois de cheikh. Est-ce que ce sont des choses que j'ai lues dans le livre ou ce sont des exemples que j'ai donnés de ma tête? J'attends la réponse. Fawzi, regarde si la personne te répond, Inch'Allah, car c'est toi qui as le PV ouvert pour cette personne. Cher, pour ne pas perdre de temps, le temps que cette personne donc réponde au frère Fawzi, je vous lis la question suivante, Inch'Allah. Question d'une sœur. Cher, qu'Allah vous préserve et vous élève. Je voulais savoir, quand Allah dit qu'il est miséricordieux et qu'il pardonne tout, est-ce que cela veut dire que si une personne fait beaucoup de mal dans sa vie et fait du mal aux gens en étant musulman et qu'ensuite il se repent, même si les personnes à qui cette personne a fait du mal ne lui pardonnent pas, il ne sera pas châtié. Fadal cher. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, je dois parler au téléphone et vous répondre, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Tout à l'heure, l'un de vous a quelque chose, je n'ai pas lu encore. Est-ce que c'est possible de tricher? Ça pourra avec la dernière. La question de la sœur sur les etc. Est-ce que c'est possible de la. Ça court, je saurai, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc je viens de me reconnecter. Si c'est possible de réafficher la chose. Tfadal. Elle a dit, s'il aime que par espérance, elle a cité quelque chose, idem pour Ado, la crainte, etc. Taïeb. Je vais relire, Inch'Allah Ta'ala, donc le passage. Cheikh Fawzan Hafidhahullah a dit, l'adoration qui est exigée regroupe la notion d'humilité et d'amour. Elle comprend le summum, c'est-à-dire le paroxysme, ce qui est le degré le plus élevé. Elle comprend le summum de l'humilité envers Allah et le summum de l'amour pour lui. On ne peut dire de celui qui se soumet à un homme tout en le détestant qu'il l'adore. On ne peut dire de celui qui se soumet à un homme tout en le détestant. On ne peut dire de lui qu'il l'adore. De même, s'il aime une chose, mais ne s'y soumet pas, il ne peut être considéré comme l'adorant. De même, je répète, s'il aime une chose, mais ne s'y soumet pas, il ne peut être considéré comme yani, l'adorant de cette chose. C'est le cas, par exemple, de l'amour porté par l'homme à son enfant ou son ami. Non, on ne peut pas dire de lui que le père, ce père-là, fils. Pourquoi? Car il l'aime, mais ne se soumet pas à lui. Naam. C'est pour cela que l'amour seul ou l'humilité seule n'est pas suffisant dans l'adoration d'Allah. Mais il incombe qu'Allah Azzawajal soit plus aimé par ses serviteurs que tout autre et soit plus vénéré par eux que tout autre. Nul n'a le droit à l'amour et à la soumission absolu, si ce n'est Allah Azzawajal. Fin de citation. Ensuite, pour la deuxième question, comme quoi si une personne faisait beaucoup de péchés, yani, envers des gens, les trompait, était injuste envers des gens, etc., les lésait, les volait, etc., ensuite faisait le repentir, est-ce qu'on va dire que Allah Azzawajal a pardonné à cette personne, Yawm al-Qiyamah, il ne va pas yani, la châtier? On dit et on répond, si je dis juste, ça vient de lui, si je dis faux, ça vient de moi et de mon shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que Tawba, tajubu ma qablaha. Dans un autre hadith, tahdumu ma qablaha. C'est-à-dire qu'il a dit alayhi wa sallam, que le repentir, naam, effacer ce qu'il a précédé. Il a dit aussi que le repentir démolissait ce qu'il a précédé. Donc, tout péché que tu fais, dont tu te repens avant de mourir, Allah subhanahu wa ta'ala a promis que si tu étais sincère, que il allait le démolir et que c'est comme s'il n'y avait pas de péché. À condition, disent les savants, que ça soit une chose entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est une chose entre toi et les gens, tu devrais, dans cette vie, essayer de voir comment te faire pardonner par eux. Si tu n'arrives pas dans cette vie, alors dans l'au-delà, Naam, on va voir s'ils vont te pardonner ou bien te demanderont que tu leur donnes, yani l'équivalent en hasanat, en bonne œuvre. Naam, tu n'en as pas assez, et eux, l'équivalent de mauvaises œuvres, de leurs péchés. Ils vont te les faire endosser sur ton dos. Cheikh Ben Othaymeen rahimahullah a dit, si la personne ici était sincère, qu'elle faisait tout son possible pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour se faire pardonner, et que il y a comme ça des gens qui lui ont pas pardonné, d'après lui, d'après Cheikh Ben Othaymeen rahimahullah, il a dit que Allah ta'ala alors va prendre ta défense, et demander aux gens de te pardonner. Et s'ils ne veulent pas, il a dit, alors Allah subhanahu wa ta'ala va leur montrer des choses et leur dire, si vous pardonnez, je vous donne telle et telle chose en contrepartie. Et Cheikh a dit, rahimallah, que sûrement que les gens pardonneront quand ils verront ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut leur donner à cause de toi. Ça, c'est dans le cas où tu as été sincère dans cette vie, tu l'as aimé, tu as fait tout son possible pour l'adorer sincèrement. Subhanahu azza wa jal, wallahu ta'ala a'lam. Tfadhal. Question suivante d'une sœur. Cher, comment peut-on savoir qu'Allah nous aime? Tfadal, cher. Je voulais juste prendre le micro avant l'autre question. C'est pour cela que, après le pont, après le sirat, il y a la passerelle. Il y a le qantara, la passerelle. C'est sur cette passerelle, quand la personne arrive sur la passerelle, ça veut dire qu'alhamdoulilah, il ne reste entre elle et le paradis que quelques mètres. Mais c'est sur cette passerelle que les gens vont quoi? Vont se disputer leurs droits. C'est sur cette passerelle. Naam. Ensuite, yani, ils vont yuhadzabun, ils vont se purifier. Quand tu rends les droits à la personne n'a plus comment dire, de vengeance dans son cœur envers toi, ni de haine, etc. Donc, elle va te pardonner, elle va se purifier. C'est là que la personne, inshallah ta'ala, yani, il lui sera permis de rentrer au paradis après s'être purifié. Est-ce que c'est possible de répéter la dernière question? Tfadhal. Non, cher, donc je répète. Une sœur demande, cher, comment peut-on savoir qu'Allah nous aime? Tfadal, cher. Non. Pour savoir si Allah subhanahu wa ta'ala nous aime ou nous aime pas, il y a deux choses. La première, tu vois, non, dans quel sens tu vas. Est-ce que tu remarques que, alhamdoulillah, yani, chaque jour tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et que ça progresse, alhamdoulillah. Et que chaque jour, yani, tu apprends davantage. Et que tu fais davantage, yani, et tu fais des efforts pour faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire. Ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que tu vois que tu commences à aller marche arrière? Et tu commences à faire maintenant les grands péchés. Et tu commences maintenant à délaisser des choses importantes dans ton dîn. Dans le premier cas de figure, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et il te guide. Et il t'ouvre ses portes. Et dans le deuxième cas de figure, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est détourné de toi. Et t'a laissé seul. Et tu commences maintenant à faire des grandes fautes. Et tu commences à, subhanallah, à délaisser des choses importantes dans ta religion. Allah subhanahu wa ta'ala s'est détourné de toi. S'il se détourne de toi, ça veut dire qu'il t'aime plus. Naam. Et c'est très grave dans ce cas. Et la deuxième des choses très importantes qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime ou t'aime pas, regarde dans ton cœur, est-ce que ton cœur est beaucoup plus pour Allah subhanahu wa ta'ala ou pour autre chose? S'il est pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas sentir que tu ne te sens heureux que lorsque tu fais ce que Allah azzawajal aime. Tu ne te sens heureux que lorsque tu es dans la prière, où tu sais qu'il va y avoir une prière, où tu sais que tu vas jeûner, où tu sais que tu vas rencontrer tes frères. Et pour la sœur, elle va rencontrer les sœurs, pour parler dans le dîn, pour aller dans les halaqat, pour lire le Coran. Naam. Qui ne pense qu'au paradis et qui n'a peur que la personne que de l'enfer. Qui ne pense qu'au dîn en général. Naam. Et elles sont sans cœur, yani. C'est pour ça que je donne un exemple. Si tu vois que très souvent, en étant tout seul, tu pleures en pensant à yani, la ni'ma dans laquelle tu es et yani, les obscurités qu'elle tu étais et que maintenant alhamdoulillah dans laquelle tu es et que tu sais que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient pas de toi, c'est une guidée et guidance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui t'en est spécialement à toi, pas à d'autres, pas à beaucoup d'autres, et que tu as les larmes aux yeux et que tu marches dans la rue et tu essuies les larmes en marchant dans la rue quand tu penses à tout cela et que tous les autres qui sont privés de cette chose, qui sont là en face de toi, insouciants, là, en train de chanter, de rigoler, de boire de l'alcool et de danser, ne sachant pas yani, ce qui les attend et ce qui est très grave pour eux. Et que d'une seconde à l'autre, ils peuvent mourir dans ces grands péchés, ou peut-être même dans le coffre. Et que toi, alhamdoulillah, les prières à l'heure, tu veux apprendre la religion, tu veux jeûner, tu veux avancer, tu veux te voiler, tu veux un mariage islamique. Tu as peur dans le commerce du haram, tu as peur de mentir, tu as peur de d'escroquer, tu as... Alhamdoulillah, c'est une ni'ma, Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, c'est une preuve. Il t'a aidé, il t'a guidé. Naam. Regarde dans ton cœur. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pleuré? Ça fait combien de temps que tu n'as pas pleuré quand tu es seul? Je ne dis pas quand tu es avec les gens. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un, il a dit, Waliyasa'ka baytuk, que ta maison suffit. Où est-ce que tu veux aller, toi? Tu n'as rien à faire. Où est-ce que tu veux aller? Que ta maison te suffit. Si tu veux, tu veux sortir dans la rue sans avoir de raison. Tu vas voir du haram. Tu vas entendre du haram. Tu as, mashallah, un cœur qui va revenir à la maison, naam, avec un cœur, un autre cœur. Il a dit, alayhi sallam, Waliyasa'ka baytuk, reste dans ta maison. Quand tu es dans ta maison, si tu appliques ce hadith, je reste dans la maison à cause du hadith, tu es dans une adoration, Allah Ibarak, tu es dans une adoration. Waliyasa'ka baytuk. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Wamsik alayka lisanak. Et préserve ta langue. Retiens ta langue. C'est la deuxième adoration. Et la troisième, qui a rapport avec le cours, Wabki ala khati'atik. Et pleure. Pleure pour ce que tu as fait dans le passé. Pleure pour les péchés que tu as fait. Pleure, naam. C'est pas le moment de rire, c'est le moment de pleurer. Donc, si tu vois que tu pleures souvent, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vois que il n'y a plus de peur, il n'y a plus de larmes dans tes yeux, et que ça fait longtemps, naam, que tu ne pleures pas, ni dans la salat, ni quand tu es tout seul, ni dans la rue quand tu marches, ni rien, rien, il faut, inch'Allah ta'ala, quoi? Savoir que ton cœur est malade. Et essayer de le soigner, bi'idhni azzawajal, avant quoi? Avant qu'il ne meure. Avant que le cœur ne meure. Wal'iyadu billah. Tfadal. Un peu aussi, j'ai été donc déconnecté. Une fois de l'ex, si tu peux me renvoyer les questions, Inch'Allah. J'étais arrivé à la question où la sœur demandait comment faisons-nous donc pour savoir si Allah nous aime? Comment pouvons-nous savoir? Barakallahu fik. Question d'une sœur. Cher, hafizakum Allah, à vous ainsi qu'aux admins et aux frères et sœurs présents dans le salon. Peut-on dire d'une personne musulmane qui refuse de suivre la voie du prophète, alayhi salatu wa salam, par préférence pour ses coutumes, traditions et du suivi de ses ancêtres, qu'elle est hypocrite? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. si la personne naam, dit carrément je ne veux pas suivre le prophète alayhi salam, je veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme je veux moi, dans ce cas on ne peut pas dire seulement qu'elle est hypocrite, mais elle est kafir, elle est mécréante. Naam. Et si elle était musulmane, elle a quitté l'islam. Car c'est une chose que personne ne doit yani négliger, ni dire que je savais pas ça. Sauf si c'est quoi? Un nouveau reconverti. Quelqu'un qui vient juste d'entrer dans le dîn, peut-être qu'il ne sait pas cela. Il croit que ça suffit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, ça suffit. On lui montre et on lui apprend. Sinon, on va voir qu'est-ce qu'il veut dire par la phrase qui suit les passions, etc., etc. Peut-être qu'il a des choubouhettes. Peut-être qu'il a des choubouhettes. Dans ce cas, il faut d'abord lui montrer et lui enlever les choubouhettes et établir sur lui la preuve. Ensuite, il va y avoir le jugement sur lui. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadhal. Car il y a des gens, c'est pas il veut pas suivre le prophète alayhi salam, mais il veut pas te suivre toi quand tu lui dis que le prophète alayhi salam a dit telle et telle chose. Il dit moi, dans son cœur, il dit ça me suffit de suivre mes parents et mes ancêtres car je suis sûr qu'ils étaient des musulmans et de vrais musulmans. Pas comme celui-là, cette personne-là, hein, qui veut me montrer comment adorer Allah. Je connais mieux que lui la religion. Comme ça, il se dit. Donc il a des choubouhettes. Il a des choubouhettes. Il faut lui enlever les choubouhettes. Tfadhal. Naam Fawzi, ce que tu as écrit sur le salon, comment soigner un cœur malade, c'était par rapport à quoi ça? Est-ce que c'est par rapport à une question qui a été posée? Inch'Allah, cher, je vous lis donc la question suivante. D'après la définition du mot adoration donnée dans le cours, qu'en est-il donc lorsque l'on dit j'adore telle ou telle chose ou telle personne? Ceci est-il permis? Barakallahu fikoum. Tfadashir. Naam, j'ai lu une fatwa en ce sens d'un grand savant, je me rappelle plus qui, l'un des contemporains des grands. Il a dit que c'était permis avec cette niya, parce qu'il a dit quand il dit si j'adore mon fils, j'adore mon mari, pas dans le sens de yani l'humilité et la soumission et ta'zim aussi. Non, mais ici adorer, j'adore les bananes, j'adore les fraises, ça veut dire que je les aime beaucoup. Pas dans le sens de quoi? De je vais faire des ablutions et je vais quoi? Et je vais bien aller me prosterner devant les fruits et devant mon mari. Mais je dis, Wallahu alam, ce que j'ajoute là, c'est de moi. Wallahu alam, que si ça peut prêter confusion, qu'il vaut mieux employer un autre verbe. Et dire par exemple, j'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup les fraises, j'aime beaucoup telle chose, à la place d'adorer. Wallahu ta'ala a'lam. Sinon, je vous ai dit que j'ai lu que c'était permis, bi'idhnillahi ta'ala, si on a dans la niya que on veut dire j'aime beaucoup. Tfadhal. Non, tu n'entendras jamais cher, dire cher, j'adore les aubergines. Allah. Question suivante. Et Akhi Fawzi, n'oublie pas si tu peux me renvoyer les questions suivantes, Inch'Allah. Je m'excuse, mais je n'ai pas de questions, simplement. Une question importante qui est longue. Akhi, tu vois la question que tu m'as posée, réponds au frère, Inch'Allah, directement. Enfin, c'est une sœur. Réponds-lui directement. Et si tu as donc des questions sur le cours, envoie-les-moi. Barakallahu fik. Et concernant ce que vous venez de dire, cher, par rapport au fait de dire j'adore, etc. C'est comme en arabe, Allahu alam. Un mot en arabe peut avoir plusieurs sens, plusieurs significations, et c'est pareil en français. Le problème, c'est que certaines personnes, donc je parle bien des francophones, ne connaissent qu'une seule définition du mot, et forcément pour eux, ils vont mettre ça directement dans l'idolâtrie, etc. Allahu alam. Taïeb, est-ce que vous avez posé une question? J'ai pas entendu. Là, cher, j'attendais que le frère m'envoie les questions donc sur le cours. A priori, il n'y en a plus. Allahu alam. Donc, je voulais les. Mousseline, est-ce que tu es en train de lire quelque chose? Il n'y a pas de son, tu n'as pas le micro. Est-ce qu'on peut continuer, Inch'Allah Ta'ala? Posez, est-ce que tu as des questions à dire? Car maintenant qu'on sait que Muslim a des problèmes avec la connexion. Dans ce cas, on ne doit pas laisser des questions seulement chez lui. Parce que si jamais il ne peut pas rentrer, ça veut dire qu'on va arrêter. Vous avez compris? Il faut bien se partager les questions. Naam. Tfadlal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, afwan cher, je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Je suis déconnecté depuis tout à l'heure, juste de Paltalk. Je ne sais pas ce qui se passe. Khair inshallah. Donc je pense que vous n'avez pas entendu la question. Donc c'est la question d'un frère qui dit le frère de ma femme va se marier. Il y aura deux salles et deux étages. Une pour manger au rez-de-chaussée. Et l'autre au premier étage pour cérémonie avec un nashid. Ma question est, est-il possible d'assister au mariage sans se rendre au premier étage où il y a des nashid en restant au rez-de-chaussée pour aider à la cuisine? Barakallahu fikoum, cher. Tfadal, cher. Non, c'est possible, Inch'Allah Ta'ala. C'est possible. Surtout que si les anachides ne contiennent pas des instruments de musique. Si les anachides ne contiennent pas des instruments de musique, il faut pas, yani, il faut pas tout interdire. Surtout un jour de mariage. Surtout un jour de mariage, yani, il faut être modéré, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, s'il y a des instruments de musique, Donc reste dans le sous-sol, Inch'Allah ta'ala, reste dans le sous-sol et ne va pas au premier où il y a ces choses-là, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Apparemment, là, je te laisse te charger de récupérer les questions également de ton côté. Sait-on jamais, donc si je suis de nouveau déconnecté. Question suivante, question d'une sœur. Cher Hayakumullah, une personne souhaite se convertir, walhamdulillah, et elle souhaite que cela se fasse par une sœur. Donc on souhaite un rappel sur les conditions. Si je ne me trompe pas, il faut la sincérité, qu'elle comprenne le sens de la shahada, des témoins, et qu'elle le prononce, puis elle doit faire le rosl, et qu'elle commence à... Donc, Afoun, c'était une chose importante. Je parlais au téléphone. Tfadl, c'est quoi la réponse? C'est quoi la question, Inch'Allah Ta'ala, encore une fois. Désolé pour le désagrément. Tfadl. Je vais répondre, non. Je vais répéter, Inch'Allah, la question. Cher Hayakumallah, une personne souhaite se convertir, walhamdulillah, et elle souhaite que cela se fasse par une sœur. Donc on souhaite un rappel sur les conditions. Si je ne me trompe pas, il faut la sincérité, qu'elle comprenne le sens de la shahada, des témoins, et qu'elle le prononce, puis elle doit faire le rosal, et qu'elle commence à apprendre la prière. Peut-on pour cette occasion faire un rappel? Non, mais je vais juste faire une remarque, Inch'Allah. Donc ça vise bien sûr cette sœur qui vient de poser la question et les autres. Faites attention à votre rédaction, Barakallahu fikoum. Faites attention comment vous rédigez vos questions. Ce n'est pas un langage SMS qu'il faut employer. Et un minimum de ponctuation, Barakallahu fikoum. Sinon, on doit se concentrer. Et c'est difficile des fois de donner du sens à la question. Madame chère, donc je vous répète, elle a dit, donc on souhaite un rappel sur les conditions. Si je ne me trompe pas, il faut la sincérité, qu'elle comprenne le sens de la shahada, des témoins, et qu'elle le prononce, puis elle doit faire le rosal et qu'elle commence à apprendre la prière. Et là, ensuite, elle demande, peut-on pour cette occasion faire un rappel? Je pense qu'elle veut dire entre sœurs. Quand elles seront ensemble, est-ce qu'elle peut faire un rappel entre elles? Wallahu a'lam. Tfadel cher. Non, elle ne peut pas se convertir ou se reconvertir si elle ne comprend pas, elle ne sait pas c'est quoi le sens de la phrase, des deux phrases, des deux attestations. Shahadun la ilaha illallah, shahadun Muhammadan abdu wa rasuluh. Donc il faut lui expliquer que cette phrase, shahadun la ilaha, ça veut dire que je vais attester que il n'y a de vraie divinité que Allah. Non, Allah, il faut lui dire que c'est le nom, le meilleur nom et l'un des noms de notre Dieu, de Dieu, du Dieu que tu vas adorer. Et pourquoi on a dit Shadun Layla, ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie divinité pour dire qu'il y a des fausses divinités. Mais maintenant, tu vas attester qu'il n'y a de vraie divinité que Allah. C'est son nom. Comme toi, tu t'appelles Mohammed et Salim et Karima et d'autres. Lui, il s'appelle Allah. L'un de ses noms. Le meilleur nom déjà. Des plus beaux noms. Tu vas attester que Mohammed, alayhi salatu salam, c'est son dernier messager. C'est son dernier. Et c'est un serviteur aussi. Shadona Muhammadan Abduhu, c'est son serviteur ou Rasulhu. Muhammad, sur lequel tu vas assister, a deux qualités, deux attributs. Il est son serviteur d'un côté, ce n'est ni un dieu ni rien, c'est un serviteur. Et c'est aussi son messager, là, il a été envoyé par lui, donc on doit le suivre, etc. Et si la personne attestait, si cette personne est une ancienne chrétienne, et a attesté que Jésus était un dieu ou bien fils de Dieu, elle doit aussi attester ici, en terminant les deux attestations, elle ajoute la troisième, que j'atteste que Isa, c'est-à-dire Jésus, c'est aussi l'un de ses messagers. Ce n'est pas le fils de Dieu ni Dieu, c'est l'un de ses messagers aussi. Ensuite, elle doit attester cela à haute voix, c'est-à-dire elle se fait entendre. Et elle n'a pas besoin de témoin. Elle peut toute seule dans sa maison, dans sa cuisine, dans sa voiture, dire les deux attestations. Elle n'a pas besoin que des gens l'entendent. Elle aura besoin, de se faire entendre. C'est lorsqu'on lui demande, par exemple, qu'est-ce que tu es? Elle dit, je suis musulmane. Ou alors, par exemple, pour avoir des papiers. Pour avoir des papiers comme quoi, je ne sais pas s'il y a ça en France. Au ministère des Affaires religieuses, par exemple, ou je sais pas où, on lui dit atteste pour qu'on te donne des papiers. Ça, elle atteste devant les gens pour qu'on lui donne les papiers, etc. Sinon, quand la personne est toute seule, elle n'a pas besoin de témoin. Elle n'a pas besoin de témoin. Et aussi, on lui apprend donc que yani, elle doit commencer à prier, c'est très important la prière. Et voilà comment qu'on doit prier, on fait le wudu, etc. Sans lui compliquer les choses. Sans lui compliquer les choses. On ne lui dit pas que tu dois prier en même temps l'obligatoire et surérogatoire, nafila, non. On lui dit qu'il y a 5 prières par jour. Non, mais commence par, déjà par l'obligatoire. Et ensuite, yani, on lui parle des grands piliers. C'est ça le rappel. La personne a dit, est-ce que c'est bien de faire un rappel? C'est bien de faire un rappel. Et bien sûr, elle va prendre la douche pour commencer à prier. Et on lui fait un rappel pour parler de c'est quoi l'islam en général. Et on base par exemple sur les 5 piliers. En général, on explique c'est quoi les 5 piliers. Et le rappel doit contenir aussi c'est quoi notre but dans cette vie. Pourquoi? Qui nous a créés? Allah Ta'ala. Pourquoi il nous a créés? Pour l'adorer. C'est quoi l'adoration en général? Naam. C'est tout ce qu'on fait avec la niya que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est conforme avec la charia, c'est ça l'adoration. Et pourquoi on l'adore? Car va y avoir une fin, toute personne doit mourir tôt ou tard. Et après cette fin, il y a la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a adoré. Ensuite, il y a les récompenses, il y a la rétribution, soit par l'enfer, soit par le paradis. Et comme ça, en général, sans compliquer les choses à la personne, pour qu'elle dise pas, ah non, c'est très difficile, je peux pas apprendre tout ça, donc je préfère rester comme je suis. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider, vous aider, tâche bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Chère une sœur du Maroc, souhaite vous poser la question suivante. Comment une femme seule, sans mahram, vivant dans un pays musulman, peut-elle voir son prétendant? Et sachant que son tuteur est d'accord pour la marier, mais refuse de se déplacer. Jazakumullah khairan. Tfadal cher. Une seconde, tu dois répéter la question. Avant cela, on fait une pause de d'une minute et je reviens, inshallah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Taïb, une seconde ta'ala et à un frère. Un frère qui est en même temps un programmeur qui fait des programmes dans le en informatique. Et ce frère est bi'idhnillahi ta'ala, l'un des programmeurs, je pense, du programme qui s'appelle Manara. Et que moi, yani, j'emploie, et que, alhamdoulillah, m'a beaucoup aidé ce programme, même si je ne l'emploie qu'à 10%, parce qu'il ne marche pas chez moi comme il se doit, et en même temps, quand je l'ouvre, je ne vois pas tout. Yani, il me donne que, je vois seulement certaines choses, parce que c'est un problème de résolution. Je voudrais donner inchallah ta'ala le micro à ce frère inchallah ta'ala pour que il nous passe salam et je lui dis barakallahu fi pour les efforts qu'il fait et inchallah lui tout cela dans la balance des hasanat yawm al-qiyamah qu'on compterait. Et je voudrais aussi lui dire quand il prendra le micro, je voudrais lui dire après que deux ou trois problèmes qu'il y a qui sont essentiels et s'il est possible de les régler bi'idhnillahi ta'ala. Al-akh Abdou Bey, hayak Allah ma'ana, tfadhal khoud al-laqit wa takallam bi'idhnillahi ta'ala. الأخ عبدو بي عندكش النقطة الحمراء تفضل. Non, c'est vrai pour la nouvelle version du PAL fait beaucoup de problèmes. C'est pour ça que moi je l'ai enlevé et j'ai mis l'ancienne version. La nouvelle version fait beaucoup de problèmes. Non. Mais on a entendu un petit bruit. On a entendu un petit bruit. Comme si le micro voulait parler. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, je sais que c'est un programmateur. Et ben là, il est beaucoup plus calé que nous. Lakin, il a peut-être oublié qu'il avait activé StereoMix et qu'il fallait qu'il réactive le microphone. Ça arrive à tout le monde. Allahu alam. Barakallahu fik. Cher, donc comme il vient de le dire, comme vous avez des suggestions, faites-les, inshallah. Attention, musulman, juste, on dit pas programmeur, on dit programmeur. Afouana, pourquoi je te dis comme ça? Parce que programmateur, c'est par exemple pour la laver, elle a un programmateur, c'est un petit appareil. Mais pour la personne en informatique, on dit un pro. Voilà, barakallahu Abdou, si je dois parler en français. Abdou. Je voudrais te signaler un petit problème en arabe ou en français, tfadhal. D'accord. C'était juste pour où c'est écrit, Osmo. Quand on va au Coran, dans le programme, quand on va au Coran. On choisit un verset. On choisit un verset. Ensuite, on clique sur le verset et on clique avec la souris droit. On clique droit. Ça donne trois ou quatre choses. La dernière que ça donne, c'est écrit additionner ou la addition to collection. Elle dit co collection ou quelque chose comme ça en anglais. El Mohim. Là-bas, mal asif là-bas, ça peut envoyer seulement yani, le verset en arabe. C'est-à-dire, si tu traduis le verset en français, et tu l'envoies là-bas, il va en arabe. Je ne sais pas si c'est possible de le rendre là-bas en français. Wallahu alam, ça c'est pas. Elle dit, c'est l'un des grands problèmes, yani que je voudrais que ça soit résolu, si c'est possible. Non, ça aide beaucoup. Inch'Allah. Barakallahu fik. Possible. Voilà. Donc d'abord et parler aussi de des hadiths si c'est possible de prendre les bases de données du programme Maktab ça donne les bases, ça donne les bases yani où on peut prendre ça inshallah ta'ala. Donc jazakallahu khairan akhana wa barakallahu fik wa حياك الله عز وجل معنا تفضل مسلم Non, cher, donc je ne sais plus où j'en étais par rapport aux questions. Ah non, c'est bon. Cher une sœur du Maroc, souhaite vous poser la question suivante. Comment une femme seule sans mahram vivant dans un pays musulman peut-elle voir son prétendant en sachant que son tuteur est d'accord pour la marier mais refuse de se déplacer ou de zakumullah khairan? Tfadal cher. Premièrement, ce n'est pas obligé qu'il la voie dans la maison. Nam, elle peut le voir dans la rue. Nam, quand il sait par exemple qu'elle se trouve dans tel endroit, elle est assise dans tel endroit, et lui il passe devant elle. Et lui il donne ses signes pour qu'elle sache comment qu'il est habillé, etc., pour que ça soit lui. Et lui aussi il passe devant elle. Nam, il s'arrête un peu en face d'elle pour qu'elle le voie. C'est pas obligé que ça soit dans la maison. Si c'est dans une maison, il ne faut pas qu'il soit en tête à tête avec elle et lui. Il faudrait qu'il y ait, par exemple, d'autres hommes ou bien d'autres femmes. Mais pas en tête à tête avec lui. Naam. C'est facile, bi'idhnillahi ta'ala, pour celui qui veut faciliter. Tfadhal. Je voulais rappeler aussi à mon frère Abdou, naam, par exemple, les versets. Les versets. Quand on clique sur Coran, on voit tous les, on voit Afwan, les sourates, on voit toutes les sourates qui sont en face. Naam, le Fatiha, etc., etc. Toutes les sourates. C'est bien, Inch'Allah Ta'ala, si c'est possible, de leur donner des numéros. Par exemple, Fatiha numéro 1, Baqara 2, Ali Imran 3, Nisa 4, et comme ça. Pourquoi? Parce que des fois, par exemple, je trouve un verset dans un livre. C'est écrit, par exemple, c'est écrit Sourate 18, verset 33. Sourate 18. Maintenant, si je sais que 18, c'est telle sourate, je vais directement à elle. Je clique sur elle et je sais que je suis dans la sourate. Sinon, yani ça va me faire perdre du temps. Bi-idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Question suivante, cher. Et par rapport au timer, je sais pas ce qu'il en est. Je sais pas à quelle heure vous vous arrêtez, parce que vous n'avez rien dit. Question d'un frère. Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous. J'ai un ami d'enfance qui est né musulman, mais qui ne fait pas la prière et qui est ignorant des ordres d'Allah. De plus, j'ai découvert qu'il avait comme décoration des objets et tableaux de Bouddha chez lui. Et il me dit que c'est juste pour décorer. Quel conseil avez-vous à lui donner et quel comportement dois-je avoir avec lui? Toi, Dacher. Une seconde, je vous cherche un verset, inshallah, t'as une seconde. Donc le comportement qu'on doit avoir avec lui, inshallah ta'ala, c'est celui qu'il y a dans ce verset, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي. C'est-à-dire en français, on va voir. Et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Sagesse, bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Donc cette personne, on doit lui dire avec sagesse et science, naam, et avec douceur, dire, cher frère, regarde, toi, je sais que tu es musulman, et toi-même, tu dis, je suis musulman, naam. Et, yani, décorer la maison avec des choses que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Encore, décorer la maison avec des faux dieux. Les faux dieux, ça ne marche pas avec l'islam. Car quelqu'un qui est musulman, naam, il doit haïr tous les autres dieux, n'aimer que le dieu le vrai, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même si tu décores ta maison, il faut la décorer avec ce que Allah ta'ala aime, c'est pas avec ce que Allah ta'ala déteste. Yani le kouros, naam. Donc il lui dit, l'islam, puisque tu es musulman, l'islam. Ce n'est pas seulement des bonnes intentions. L'islam, c'est aussi des œuvres. C'est des œuvres. C'est Allah montrer que je déteste ses ennemis. Et comme ça, c'est ça l'islam. Et on lui parle, inshallah ta'ala, avec douceur. Peut-être, inshallah ta'ala, qu'il les enlèvera. On lui dira, sinon, pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a Mecque, il a détruit les 360 idoles qu'il y avait autour de la Kaaba. Pourquoi il les a pas laissés et il a dit c'est pour décorer la Kaaba, je la décore avec ses idoles, comme ça elle devient belle. Mais non, il les a détruites. Subhanallah l'adhim. Avec un bâton, il touchait chaque statue et il lisait le verset où ja al-haqqu wa zahaqa al-batilu. Inna al-batila kana zahuqa. Tfadl. Et toi, l'akh Abdou, si le mixon. Tu nous avertis et toi que l'Allah. Question suivante. Un frère demande, est-ce que vous connaissez des savants ou des prêcheurs qui vivent au Maroc à nous conseiller? Barakallahu fikoum cher pour le temps que vous nous accordez. Allah, tfadashir. Pour dire la vérité, je ne suis pas vraiment branché dans ce domaine. Et Je n'ai été, je crois, qu'une seule fois au Maroc pour 1 ou 2 jours. Je crois que j'ai été 2 fois là, mais 1 ou 2 jours, pas plus. Donc je ne sais pas exactement ce qui se passe là-bas, bi-idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Mais sûrement qu'il doit. Sinon, il doit y avoir des talibou ilm qui sont forts. Mais il faut connaître quelqu'un de là-bas qui est mashallah, qui peut vous orienter, bi-idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Question suivante. Question d'un frère. J'habite en France et je vais aller en Tunisie presque 10 mois pour apprendre l'arabe. Et je ne connais pas les règles du voyage. Est-ce que je dois raccourcir la prière? J'ai l'habitude de jeûner. Est-ce que je dois arrêter? Je suis moi-même tunisien, j'ai de la famille là-bas, mais je n'ai pas de maison. Barakallahu fikoum. Tfadash, tfadash. Donc il reste 15 minutes, inshallah. Si la personne va dans un autre pays, et qu'elle va rester longtemps, de préférence qu'elle termine sa salat, c'est-à-dire qu'elle va, sauf pendant les 3 jours, sauf pendant les 3 jours. C'est la meilleure des choses. Toutefois, la personne a raccourci. Elle a dit, tant que je suis ici, c'est seulement pour un but précis et je vais revenir dans mon pays. Si avec cette niya elle veut sortir, c'est permis aussi. Comme dit Ibn al-Qayyim, d'abord c'est le madhhab Shafi'i rahimahullah. Dans ce cas, c'est permis, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit que. Naam, pour le siyam. Pour le siyam, c'est permis. C'est permis de jeûner quand on voyage. Mais ce n'est pas la meilleure des choses. Ce n'est pas la meilleure des choses. Car le prophète alayhi salam a dit: Laysa min al-birr al-siyam fi safar. Il a dit, ça rentre pas dans la piété, le fait de jeûner dans le voyage. Et il a dit, As-safaru qit'atun min al-adab. Hadith authentique. Il a dit, le voyage, c'est une part, c'est un morceau ou bien une part de torture. Mais si la personne veut jeûner, c'est possible. Mais je dis, si elle sait que du mal et que à cause de cela, elle va faiblir, ou elle va tomber malade, ou elle va avoir des maux de tête, ou des maux à l'estomac, et comme ça, il vaut mieux qu'elle jeûne pas. Il vaut mieux qu'elle jeûne pas. Mais si elle sait qu'elle est habituée, que mashallah, elle jeûne facilement, et que ça lui fait aucun problème, et elle veut jeûner, elle peut jeûner. Allah ta'ala, tfadhal. Question suivante, question d'une sœur. Cher, qu'Allah vous assiste. Ma grand-mère vient de se faire mettre un pacemaker au cœur. De plus, lorsqu'elle décédera, les médecins seront obligés de l'ouvrir pour récupérer le pacemaker, afin d'éviter d'être revendu par la suite. Est-ce que cela est autorisé? Barakallahu fikoum, cher. Tfadhal, cher. J'ai pas compris la phrase pincemaker ou quelque chose comme ça. Ce mot-là, j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Il faudra le répéter la question en expliquant qu'est-ce que ça veut dire cette chose. Ensuite, je dis au R. Abdou B. Je lui dis, parce qu'à chaque fois que je me rappelle une chose, je lui dis que moi j'ai la version 10.5.1. Toutes les autres versions chez moi ne marchent pas, subhanallah al-adhim. Sauf celle-là. El Mouhim. Comme j'ai dit, elle marche à 10%, 20%. Ce que je voulais dire, si c'est possible, je dis si c'est possible, moi je demande des choses, mais c'est possible qu'elles ne soient pas possibles. Chauffe, oui, c'est écrit message. Message, donc les carrés, donc A1, A2, A3, A4. J'ai vu dans un autre programme, je crois, le Bayan, quand quelqu'un veut écrire quelque chose dans ce message, au lieu d'aller à Edit, ensuite chercher, yani choisir A ou la B ou la C, choisir 6, 7, 8, si c'est possible, comme j'ai vu dans le programme, j'ai vu qu'il y avait juste devant chaque case, il y avait un petit stylo. Juste tu cliques sur le petit crayon, le stylo, sur la case elle-même, elle te donne déjà où tu peux écrire à l'intérieur, corriger, etc. sans avoir besoin d'aller à Edit et de choisir dans Edit la case, etc. Wallahu, j'ai vu ça dans un programme Allah subhanahu wa ta'ala alam, pour faciliter. Juste, je clique quand je suis pas connecté, bien sûr. Juste, je clique, elle me donne la case pour corriger, etc. Wallahu alam. Tfadhal Muslim, c'était quoi la question? Ah, mon cher, donc pour le pacemaker, comme je viens de l'écrire, c'est un stimulateur cardiaque qui a pour but d'envoyer une impulsion électrique au cœur pour qu'il se contracte. Fada cher. N'a pas dit si ce stimulateur, yani, c'est quelque chose qui a de la valeur. Est-ce que ça a une grande valeur ou pas? Est-ce que ça a une grande valeur ou pas? Tfadlal. Ah, pour la valeur, cher, non, je ne sais pas. Donc si là sert à la réponse, qu'elle me réponde en PV, Inch'Allah. Donc mon PV est ouvert. Par rapport à sa question, elle dit, ma grand-mère vient de se faire mettre un pacemaker. De plus, lorsqu'elle décédera, les médecins seront obligés de l'ouvrir afin d'éviter d'être revendu par la suite. Probablement, cher, c'est que ça a une certaine valeur. Là, de 4 000 à 30 000 euros. Bon, toi d'achat. Tu as dit les médecins seront obligés de l'ouvrir et année. Ensuite, ils vont prendre le pacemaker. Ils vont le donner à qui quand ils vont ouvrir la personne? Ils vont donner à qui? Je dis en général. Quand une personne meurt, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, si la personne par exemple avait un dentier en or, il dit, c'est permis aux héritiers, s'ils veulent, de lui enlever les dents en or que la personne a. Pourquoi? Il a dit car cet or va aller maintenant dans la terre quand on va enterrer la personne et ne va servir à rien. Et le prophète Hachem a dit, il avait naha an ida'at al-mal, il avait interdit de jeter l'argent. Donc tu vas jeter de l'or qui va aller avec le défunt. Et il ne va servir à rien. Il a dit donc c'est permis aux héritiers, s'ils veulent, de lui enlever les dents en or. Car le mort, à condition. Quelle est la condition, premièrement? C'est les héritiers qui ont demandé cela. Deuxièmement, de lui enlever, si ça s'enlève, ce n'est pas de lui gâcher son, yani, toute sa bouche. Et je ne sais pas comment on va le forcer comme ça et le sang va commencer à couler, etc. Non. Mais si ça s'enlève facilement ou qu'on a une pince ou je ne sais pas, un dentiste avec nous qui va lui enlever facilement comme ça tout l'or qu'il a dans la bouche, il a dit on le fait si les héritiers le demandent. Maintenant, si les héritiers sont tous d'accord, ils disent non, yani, nous on abandonne cet or, on n'en a pas besoin, on voudrait pas toucher à notre mort, on voudrait qu'il reste comme ça. Ça, yani, ça leur revient à eux. Ce sont eux qui se désistent de leur haqq. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. La même chose ici pour ce qu'elle a cité pour l'appareil. Si c'est quelque chose de cher, etc., pourquoi on va le jeter avec le mort? S'il y a quelqu'un spécialiste qui peut nous donner cette chose, il nous la donne, bi'ilnillahi ta'ala, à nous, les héritiers. Tfadlal. Pour la dissertation. La question suivante, question d'une sœur. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez ainsi que les admins. Une sœur demande, un couple qui vivait dans le haram se sont séparés pour Allah, se sont repentis, mais ont gardé contact seulement par téléphone. Leur est-il permis de se marier après les menstrues de la femme? Leur repentir compte-t-il? Fadacher. S'ils étaient sincères dans le repentir, inchallah ta'ala, ils peuvent se remarier. Ils peuvent se remarier en faisant tout à, yani tout de nouveau. Là. Mais dans ce cas, ils ne doivent plus se parler au téléphone, mais doivent se contacter à la fois, doivent se considérer comme des étrangers. Et il envoie, yani ses parents, ou bien il va lui, il va voir son tuteur et lui demander la main de sa fille ou là, sa cousine ou là. Et il la lui donne et comme ça, ils se marient, bidna ta'ala, s'ils ont fait le repentir sincère. C'est pour ça que j'ai dit, rentre dans le repentir le fait qu'ils ne se parlent plus et ne se contactent plus. Sauf par intermédiaire, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Qu'Allah vous récompense, cher. Ma question est la suivante. Nous souhaitons faire la hijra en Algérie. La directrice d'une entreprise située en Algérie a contacté ma femme pour un poste de comptabilité. Pouvez-vous me donner des conseils et me dire si c'est une bonne chose d'accepter cette offre? Barakallahu fikoum. Il reste 5 minutes, Inch'Allah. Tfadal, cher. Tu as dit qu'il a contacté la directrice de quoi? D'une école ou qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas bien entendu. Non, il faut voir deux choses importantes. La première, si cette femme est dans l'obligation de travailler, je veux dire, si son mari travaille et, alhamdoulilah, il se suffise. Je ne conseille à aucune femme de travailler. Non, surtout qu'elle sera obligée de travailler avec les hommes, qu'elle le veuille ou pas. Si c'était maintenant, comme en Arabie Saoudite ou bien au Koweït par exemple, au Koweït, une femme quand elle travaille par exemple, non, elle peut choisir comme travailler dans une par exemple, dans une madrasa, dans une école. Et dans l'école, tout est femme. Les surveillantes sont des femmes. Les profs sont des femmes, l'intendante est une femme, la directrice de l'école est une femme. Ça, c'est mashallah. Mais maintenant en Algérie, je ne pense pas qu'il y ait ça. Elle sera obligée de travailler avec des hommes. Donc, qu'elle voit, inshallah ta'ala, si elle n'est pas dans la daroura, d'essayer d'éviter de se mélanger aux hommes. Ce serait bien pour sa religion. Et le peu d'argent que son mari perçoit, Allah Ta'ala fera la baraka dans cet argent. Si maintenant elle est obligée de travailler, qu'elle craigne Allah Subhanahu wa Ta'ala au maximum et s'éloigne des hommes au maximum, bi'idhnillahi Ta'ala, Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Al-Akh Abdou B, استنى تشوف تفكرت حاجة, c'est quoi? Naam. Je voulais te poser la question, pourquoi, quand j'allume le programme, pourquoi je ne vois qu'un côté du programme. Pourquoi je ne vois pas ce qu'il y a à droite? Il y a à droite des choses. C'est écrit send, c'est écrit save, c'est écrit. Pourquoi je ne vois pas ces choses? Je vois seulement la moitié du programme. Pourtant, j'ai choisi la résolution la plus forte. Car c'est demandé à une certaine résolution. J'ai choisi la meilleure résolution, la plus haute. Est-ce que c'est à cause de mon laptop? Est-ce que. Parce que je donne des cours sur un petit laptop, un petit yani, ordinateur qu'on met sur les genoux. Et il est petit, il n'est pas grand. Est-ce que c'est à cause de cela? Voilà une question que je pose, inshallah ta'ala. Tfadl muslim, c'est quoi? Alim, cher, ce sera donc la dernière question pour ce soir. Donc c'est un frère qui pose la question pour une sœur. J'aimerais savoir, Inch'Allah, si en islam, les expérimentations sont légiférées, comme par exemple expérimenter sur des personnages ou des animaux, sur des personnes à ou des animaux pour tester certains médicaments. ou bien expérimentée dans le but de comprendre le développement physique ou intellectuel de l'humain. Je suis actuellement étudiante en psychologie et on étudie ces genres de cas. On nous demande souvent d'aller faire des enquêtes ou faire des petites expériences sur une population déterminée, mais ceci sans danger. Pourriez-vous m'éclairer, cher? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense. Non, quand c'est mal, on le dit. Quand c'est bien, on le dit également, Inch'Allah. Je vois que certaines personnes font des efforts sur la rédaction des questions. Barakallahu fikoum de continuer ces efforts et aux autres d'en faire autant, Inch'Allah. Tfadal, cher. Là, les savants avaient dit que c'était permis sur les animaux. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, c'est lui qui vous a créé tout ce qu'il y a sur terre pour vous. Donc, faire des expériences sur des animaux, surtout des choses yani, qui leur font pas mal, c'est yani, faire des expériences sur eux pour ensuite yani, les appliquer dans notre vie pour notre aide et pour notre bien. Ils ont dit c'est permis. Ils ont dit quant à si c'est sur des personnes mortes par exemple, qu'on va ouvrir, etc., pour yani, essayer des choses et voir des choses, etc., ils ont dit de préférence, il faudrait que la personne soit mécréante. Non, car le mécréant n'a pas le même statut que le musulman. Le musulman, le hadith est clair. Il a dit que c'était interdit, al-mutla. Al-mutla, c'est yani, yumathilu bihi. De l'ouvrir et ça l'ouvrir, ils ont dit ça rentre dans le mutla. Ils ont dit de préférence, ça doit être le corps d'une personne yani, qui est morte dans la mécréance. De faire sur lui yani, ce qu'on appelle des recherches, etc., à l'intérieur de son corps. Et certains ont permis, même sur le musulman, dans le cas où il n'y a pas le kafir, et que yani, on le recourt ensuite. Et par l'autorisation de ses parents aussi, ou bien du gouverneur musulman. Wallah. Naam. C'était la dernière question. Et Abdoubé, est-ce que tu as une réponse à la question que j'avais posée? Non, cher, concernant les questions, il y en a d'autres, laquelle vous avez dit 5 minutes. Donc moi, je me suis contenté des 5 minutes. Wallahu a'lam. Non, pour la personne qui a posé la question sur la zakat, la fois passée, je lui ai répondu, voulu lui répondre, et elle n'était pas présente. Donc je lui ai dit, si maintenant son argent est sorti, elle n'a plus l'argent, l'argent est sorti dans un commerce, investi. Maintenant, c'est quand elle commence à faire rentrer de l'argent qu'elle fera la zakat, Inch'Allah ta'ala, quand elle commence à faire rentrer de l'argent. Car l'argent qu'elle avait n'est plus chez elle. C'est comme si, par exemple, je vais acheter, c'est un exemple, j'ai 50 millions ou là 100 millions, bon 100 millions c'est rien, j'ai 1 milliard, je vais acheter 10 ou 20 voitures, par exemple, pour les louer, faire location de voitures. Maintenant que j'avais 1 milliard, maintenant que j'ai acheté des voitures, je n'ai plus le milliard, je n'ai plus le milliard. Donc, j'ai pas de zakat. Et les choses que je vais acheter, là, il n'y a pas de zakat sur elle jusqu'à ce que ça tourne une année. Vous avez compris? Jusqu'à ce que ça fasse rentrer de l'argent et ça dépasse une année. Car les choses qu'on met en location, les choses qu'on met en location, il n'y a pas de zakat sur elle. Non. Tfadlal. Muslim, pose encore les trois dernières questions, Inch'Allah ta'ala, les trois dernières questions. Ta'amallah, barakallahu fik d'en récupérer encore deux, Inch'Allah. Donc, question suivante, chère, qui n'est pas courte. Qu'Allah vous protège, chère, vous et les admins. Amen. Un ami à moi m'a demandé de poser une question pour lui. Voilà exactement l'activité de la société pour laquelle je travaille. Nous commercialisons des cartes destinées à des clients fortunés. Nous les commercialisons aux clients des grandes banques ou à des investisseurs fortunés, etc. Notre activité ne concerne que les cartes. On fait des cartes prépayées, c'est-à-dire que tu peux recharger, ou des cartes que l'on a l'habitude d'utiliser, nous, au quotidien, mais avec des seuils plus ou moins élevés qu'on peut ajuster en fonction des demandes du client. On fait tout en interne, c'est-à-dire que nous produisons nous-mêmes les cartes et nous faisons un suivi de celles-ci. On fait même la récupération de sommes fraudées quand c'est possible. En fait, chaque mois, les clients ont une certaine limite d'argent sur leur carte. Exemple, 100 000 euros. Et dans le mois, ce client peut dépenser jusqu'à cette somme. Et à la fin du mois, il nous rembourse cette somme. Et sur toutes les transactions que le client aura effectuées, on prend des frais. Le montant des frais dépend du type de transaction. Si c'est du cash ou une transaction Internet, etc., le montant est différent. Donc voilà en résumé l'activité. Quant à moi, je suis en charge de veiller à ce qu'il n'y ait pas de fraude sur les cartes des clients. C'est-à-dire sur la base des règles internes, nous analysons les transactions effectuées par nos clients afin de faire en sorte d'éviter un maximum les fraudes sur les cartes de nos clients. On voit toutes les transactions effectuées en direct par le client et au vu de son historique par exemple, on se fait une idée quant à l'authenticité de la transaction. Voilà en gros mon travail. Ma question est, ce travail m'est-il autorisé? Barakallahu fikoum. Tfadal. Je pense que ce qu'il a dit, pour moi, c'est très compliqué. Non, j'ai jamais entendu ça ni vu ça. J'entends des choses que je comprends, me chauffe. Donne-lui mon numéro de téléphone. Il va me téléphoner et on va parler dans le téléphone. Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala, la deuxième question. Non, t'as un malade, donc tu t'en charges. Et Inch'Allah, le numéro, le cher ne l'a pas précisé, mais qu'il ne faut le donner à personne. Car certaines personnes le demandent, mais le cher, c'est exceptionnel qu'il le fasse parvenir à ce frère. Car certaines personnes m'ont demandé, t'as un malade, s'ils peuvent avoir le numéro. Donc anticipe, le cher ne le donne pas, il préfère le mail. Question d'une sœur, cher. Yacher, certaines sœurs s'interrogent sur l'épilation des poils se trouvant au milieu des sourcils. J'ai lu du comité des savants qu'il était permis, mais j'aimerais savoir s'il était également autorisé s'il n'y a que quelques poils. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, quant au poil qui se trouve entre les sourcils, il a dit, s'ils ne sont pas touffus, s'ils sont pas touffus, juste un peu, il a dit, il ne faut pas les toucher. Car hein, ce n'est pas un défaut. Beaucoup de gens sont comme ça. Il a dit maintenant, si c'est vraiment touffu, si c'est vraiment touffu, elle doit alléger avec les ciseaux et c'est interdit avec le rasoir. Comme ça, il a dit, rahimahullah ta'ala. Je répète, si ce n'est pas beaucoup touffu, hein, d'ailleurs ça se remarque même pas, il faut pas les toucher, subhanahu wa ta'ala. Si c'est vraiment touffu, il faut alléger, il a dit comme ça, avec les ciseaux et c'est interdit avec le rasoir. Tfadlan. Non, donc dernière question, cher. Donc on va voir un homme si tu as un frère ou une sœur. Si un parent m'oblige à faire un péché, est-ce que si je le fais tout en sachant que ce n'est pas permis, si je me repens de ce péché par la suite, est-ce que je serai pardonné bi-idhnillah? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Si la personne est sincère dans son repentir et se trouver dans la contrainte, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est interdit d'obéir aux parents dans le péché. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama ta'atu fil. Il a dit, la ta'ata li ma'siyati al-khaliq. Il a dit, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. Donc moi je fais mon possible pour ne pas obéir à mes parents quand il y a désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant si je suis contraint, on m'a mis le revolver sur la tempe, mais on m'a dit on t'expulse de la maison. Je n'ai pas où habiter, je suis une jeune fille. Et comme ça, naam, subhanahu wa ta'ala, pardon, et Allah subhanahu wa ta'ala, si je suis donnera. Si vraiment je suis dans la contrainte. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ah, mes chers, si vous le permettez, une dernière, car le frère Taramallah avait récupéré une dernière question. Comme la première n'a pas été répondue. Arsalamallahu alaykoum, cher. Hayakoum Allah. Un frère est marié et un petit garçon de 2 ou 3 ans. Il a soit 2 ou soit 3 ans. Il devrait savoir l'âge de son fils quand même. Il a ouvert un compte pour son fils dans lequel il met de l'argent, pour que son fils puisse en profiter plus tard. Il aurait voulu savoir s'il devait sortir zakat el mal pour ce compte. Hafizakum Allah, cher, wa barakallahu fikum. Tfada, cher. Seconde, inchallah ta'ala, je vais vous donner un verset, vous allez comprendre. Allah Ta'ala dit dans le Coran, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Donc il a dit, خذ من أموالهم. Regardez en français. Prélève de leur sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. Qu'est-ce qu'il a dit? Prélève de leur bien une sadaqa. Donc, quand il y a des biens, il y a sadaqa, il y a zakat. Sans voir, est-ce que cette personne qui a les biens, c'est un enfant ou un vieillard, ou bien quelqu'un qui raisonne, c'est quelqu'un de cultivé, ou bien c'est un analphabète, c'est un noir de peau, ou bien un blanc, c'est un garçon, ou bien une fille, tout cela, ce n'est pas important. Prélève de leurs biens une sadaqa. Toute personne qui a des biens qui atteignent nisab, le seuil, on doit sortir de leur argent une. Voilà la réponse là. Fadlal. Cher, si vous dites Tfadel, le frère Parmala, il va pas s'arrêter. Il m'a encore envoyé une question. Donc, Inch'Allah, je vais vous la lire. Ken, lui, en lui tend la perche, il la prend direct. Donc, une sœur pose la question suivante. J'ai refusé le muqabala car le frère n'était pas de la même origine que moi. Il l'a mal pris et a dit à la personne qui fait l'intermédiaire que c'est du nationalisme et que je n'ai pas le droit de faire des choses comme cela. Il a sorti le hadith sur le fait qu'il y aura du désordre sur terre, etc. Or, moi, je ne fais pas de nationalisme. Je veux me marier avec la même origine, avec une personne de la même origine, pour minimiser les risques dus au fait qu'il n'aimerait peut-être pas mes plats, coutumes ou autres, et qu'il me divorcerait, chose qui arrive assez souvent. Ma question est, ai-je le droit de faire des préférences d'origine pour me marier. Y a-t-il un délil pour appuyer cela? Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous accorde le Firdaws. Fadal cher. En général, les musulmans n'aiment se marier à cause de quoi? À cause que ils sont les deux musulmans. C'est ça la base. À cause que ils sont les deux musulmans. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont devenues des facteurs dans le mariage. Par exemple, il y a maintenant ce qu'on appelle le minhaj. Là, si quelqu'un maintenant est sur le vrai minhaj, il va se marier par exemple avec quelqu'un qui est rafidi, qui est chiite, qui est kda, toutes les sahaba, etc. Il peut pas. Alors que les deux, ils se disent musulmans. Les deux, ils se disent musulmans. Donc maintenant, ça lui devient obligatoire de choisir le minhaj sur lequel il est lui. Pas avoir yani, les mêmes conceptions de. Et yani, ils peuvent pas marcher ensemble. Moi, chose est noire, lui, il pense la chose est blanche. Moi, je dis, on va aller à droite. Lui, gauche. Et comme ça sera difficile. Maintenant, Nam, pour la personne a cité qu'elle avait des habitudes, etc. Si elle sait, parce que je crois qu'elle a cité ça, elle a dit que dans la plupart des cas, ça marche pas. Nam, si elle sait que, yani, il n'est pas, yani, il n'a pas, yani, les mêmes habitudes que moi, yani, c'est, il vient pas de la même société que moi, etc. Non, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de te marier avec lui. Non. Et quand je rends la réponse, je suis pas obligé de dire que il y a ni que à cause de n'est pas du même pays, etc. Je peux dire seulement non, etc. Je rends seulement la réponse. Et je n'accepte pas ce prétendant. Le prophète alayhi salam a dit que si jamais il y a quelqu'un vous demande votre main, il a bien cité deux choses. Il a dit le comportement et le dîn. Le dîn, c'est clair. Cette personne a le dîn. Et jeûne le lundi et jeudi et prie la nuit. Masha'Allah. Il a peur du haram. Mais le comportement, il a bien cité le comportement. Et rentre dans le comportement, le fait par exemple qu'il ne me ressemble pas du tout dans les habitudes, qu'il n'aime pas ma façon de m'habiller dans la maison, il n'aime pas ma façon de cuisiner, n'aime pas ma façon de parler de. Donc ça c'est le comportement aussi. Donc ça va pas marcher si on n'a pas le même comportement. Vous avez compris? On a le dîn mais on n'a pas le même comportement. Non, on n'a pas été éduqué de la même façon. On n'a pas les mêmes habitudes. Et comme ça. Je pense que ça joue un rôle. Et beaucoup, Allah Ta'ala alam, se sont séparés à cause de cela. Malgré que les deux aiment Allah et aiment le prophète, alayhi salatu salam. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. C'est aussi mon avis. C'est aussi mon avis. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui va se marier avec une personne qui est vraiment yani, d'un autre continent qui a grandi vraiment dans un autre univers. Non. Yani, ça sera difficile pour qu'il y ait les affinités. Même si les deux disent, Allah a dit, son prophète Hassan a dit. Mais maintenant, il y a des habitudes. Comment que, quand est-ce qu'on se lève, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on cuisine, comment. Quand est-ce qu'on dort, tout ça, yani, ça, subhanallah al-azim, ça devient difficile à gérer. Ça devient difficile à gérer. Par exemple, moi, je suis algérien. Non. Si je vais me marier, c'est un exemple, c'est toi avec une Allemande qui est musulmane. Non, c'est bien, c'est pas haram pour lui montrer le dîn, etc. Mais il est possible que, yani, je trouve que vraiment, on n'a pas, yani, les mêmes habitudes. Non. Il y a même des choses que je fais d'habitude. Pour elle, elle dit c'est pas bien ce que tu fais. Et le contraire, elle fait des choses par habitude, moi je dis c'est pas bien ce que tu fais. Et comme ça va compliquer un peu les choses. Mais si je la prends directement, par exemple, algérienne, directement, je suis algérien, elle est algérienne, yani, Elle connaît comment ça se passe ici les choses et moi je connais, etc. Donc ça va marcher plus facilement. Je ris pour le whisper, ça. On me dit attention, elle t'entend. Attention, elle va t'entendre, Khalti. Khalti, elle va t'entendre. Elle va faire une prise de karaté. Exemple, je donne Marie et là, d'autres, d'accord. On va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici. Et on va reprendre, Inch'Allah Ta'ala, yom samedi, bi'idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Naam. Je voudrais donner une dernière fois la parole au frère Abdoubé. Je ne sais pas si maintenant il peut parler ou pas. Fadl, Abdou, est-ce que le micro marche? Fadl. Malish, peut-être qu'il n'est pas avec nous. Wallahu ta'ala alam. Bilal, mets-le sur la liste, Inch'Allah ta'ala, pour pouvoir le contacter hors du salon. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.